France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Au micro de Robert Mallet, début 1951, il se prétendait pas du tout intéressé par la poésie de Valéry. Valéry, c'est de la fabrication. Paul Léotot disait, criait parfois, si son interlocuteur le reprenait, lui faisait remarquer ses contradictions. L'essentiel, la seule règle, on doit écrire en langage exact. Alors ces morceaux choisis de poètes d'aujourd'hui, 34 poètes en ce qui concerne la première édition, 50 ans plus tard, qu'en pensait-il, Paul Léotot ? Il en pensait ce qu'il voulait. Il frappait la table de sa canne, il ricanait, il reprenait et critiquait son interlocuteur. Et ce fut un grand moment de radio. Voici la suite des entretiens Paul Léotot-Robert Mallet, première diffusion sur la chaîne nationale, janvier 1951. La radiodiffusion française présente... Entretien avec Paul Léotot. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Il y avait 34 poètes dans la première édition. Et j'aimerais qu'on les passe un petit peu en revue, si vous le permettez aussi. Et je vais dire quels étaient ces 34 poètes, car c'est important de savoir à cette époque ce qui représentait la poésie française. Ouais. Barbus, Bataille, Corbière, Barbus, Fontenas, Paul Fort, René Gill, Fernand Greg, Charles Guérin, Ferdinand Hérold, Francis Jammes, Gustave Kahn, Laforgue, La Taillède, Pierre Louis, Maeterlinck, Maurice Magre, Mallarmé, Mauclerc, Stuart Merrill, Ephraim Michael, Montesquieu, Moréas, Quillard, Régnier, Rethé, Rimbaud, Rodenbach, Samain, Signoret, Taillade, Valéry, Vera Rennes, Verlaine et Viollet-Griffin. J'ai noté tous les poètes que vous avez présentés. Il y en avait 34, vous en avez présenté 17. Je présume que c'était ceux qui vous intéressaient le plus. Il y avait tout d'abord Barbus. Et quand j'ai prononcé ce mot, vous avez poussé un soupir, d'un air de dire non, ça ne valait pas la peine. Non, vraiment, n'est-ce pas ? Une autre page à l'époque d'aujourd'hui, c'est un pur parnassien, n'est-ce pas ? Il n'a rien du mouvement symbolique. D'ailleurs, il n'a écrit qu'un très court recueil de poèmes, Les Pleureuses. Oui. Et maintenant, nous passons à Bataille. Vous y exprimez une certaine réticence pour son talent qui vous paraît assez déliquescent, justement. Ouais, quoi qu'il y avait joli chose sur le bras ou dans le... Je crois que, oui, à cette époque-là, malgré ses réticences, enfin, qui étaient surtout motivées, je crois, par son théâtre, vous... Non, c'est que je crois, n'est-ce pas, qu'on... Enfin, il y avait une certaine opinion répandue qu'il avait imité Jammes. Ah, oui, c'était dans ce livre La Chambre Blanche. Oui. Il avait préfacé Marcel Schwab. Bataille se défendait en disant que La Chambre Blanche avait été écrite bien avant que parut des vers de Jammes. Oui, quelques mois avant. Oui, alors, n'est-ce pas, il y a très jolies choses dans La Chambre Blanche. Oui. Je ne pensais pas que vous étiez sensible à ce genre de poésie, assez rustique, cette poésie du passé, des chambres closes et des vieux greniers. Et est-ce que les drames de Bataille vous touchaient ? Non. Non. Non, j'ai toujours trouvé que c'était une honte. Pourquoi une honte ? Oh, c'est un théâtre, c'est un théâtre. Ce sont ces pièces dont j'ai écrit dans les chroniques dramatiques, ce sont les pièces qu'on avait relues. Vous étiez tout de même un peu dur, elles n'étaient pas si malades que ça. Enfin, elles n'ont pas tenu le coup très bien, puisque maintenant, évidemment, elles sont assez démodées. Après Bataille vient René Gill. Ah oui. Et vous avez l'air de le prendre très au sérieux dans votre notice. Ouais. Mais vous laissez plutôt la parole à d'autres critiques. Ah, ouais. Vous commentez peu. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez maintenant ? Oh, je n'en pense rien du tout. Pour moi, je n'en sais rien. Ça doit être archi-mort, tout ça. Non, ce n'est pas mort comme un fait historique dans l'histoire de la littérature. Ça a été un essai, l'instrumentisme, qui a tout de même prouvé une tentative assez intéressante, de recherche verbale, scientifique presque. Tout ça, ce sont des mots qui ne vont pas avec le mot poésie. Mais en somme, si vous faisiez une réédition à l'heure actuelle, vous supprimeriez René Gill, peut-être. Et cependant, ce ne serait pas juste, puisque à l'époque, il était une personnalité. Oui, oui. Après René Guil vient un autre personnage, c'est Fernand Gregg. Ah ouais. Fernand Gregg, vous avez dû le rencontrer souvent. Ouais, ouais. Vous n'avez pas sur lui quelques souvenirs? Ah, j'ai le souvenir de la façon dont il a acquis sa réputation. Je l'ai mis dans la notice, du reste. Oui, mais pourriez-vous nous le rappeler? Eh bien, n'est-ce pas? Gregg publie, je crois, dans la rue de Paris... Un la tristesse de Menuet fait chanter mes désirs muets, je pleure en écoutant cette voix qui vient de si loin d'autrefois et qui pleure. Et alors, à quelque temps de là, Gaston Deschamps, qui était critique au temps, écrit et publie une étude sur Verlaine. Il se trouve dans la revue de Paris et il dit, tenez, regardez, voici par exemple un poème de Verlaine. Et alors, vous comprenez que Gregg, quand il a vu ça, il a réclamé, il dit, je suis désolé de contredire la paternité. Monsieur Gaston Deschamps, mais le poème qu'il a cité n'est pas de Verlaine, il est de moi. Alors, il a acquis du jour au lendemain une réputation étonnante, voilà. Alors, je me rappelle qu'un jour, il est venu au Mercure, quand les volumes apparus, et je lui ai dit, enfin, tout de même, écoutez, n'est-ce pas, vous avez tout de même de la chance, regardez, avec ce poème, enfin, et puis vous êtes dans les poètes d'aujourd'hui, tout ça. Alors, il m'a dit, vous savez, Léoto, que je comprends très bien l'ironie. Je dis, bah, mais il n'y a aucune ironie, voyons. Enfin, dans votre notice, vous avez un ton objectif, mais sans aucune chaleur, et vous expliquez son succès sans avoir l'air de le comprendre très bien. Ouais. Il paraît qu'il est plein de sympathie pour moi, on m'a raconté ça. Je ne sais pas si, après ce que vous venez de dire, cette sympathie durera. Ah, mais enfin, il le sait bien, je l'ai écrit, ça. Nous voici maintenant à un autre poète qui est mort, voici longtemps, en 1907, et qui s'appelle Charles Guérin. Ah oui. Et je crois que vous aviez beaucoup de sympathie pour sensibilité de Charles Guérin, peut-être plus que pour son style, que vous trouviez un peu trop parnassien, justement. Oui, mais enfin, c'était un homme si charmant, n'est-ce pas? Et vous avez, dans votre choix, publié un poème de lui dont vous avez dit ceci, et je vous lis. On lira dans notre choix la pièce intitulée à Francis Jammes, si parfaite et à notre sens une des plus remarquables de la jeune poésie. Nous sommes sûrs qu'il n'y a personne qui, l'ayant lue, n'en retienne pour la goûter encore la tristesse harmonieuse et tendre. Et nous pensons que le jeune homme qui a écrit ce poème touchant et simple, et qu'il faut féliciter M. Francis Jammes d'avoir inspiré, pourra devenir, s'il sait cultiver son talent, un poète excellent. Et en 1928, vous avez rajouté « Cette pièce qui a fait école » et qu'on a fort imité, mais qu'on n'a jamais égalé. Ouais. Et j'aimerais, puisque je crois que vous l'avez su par cœur à un moment, cette pièce, j'aimerais que vous la lisiez. Alors je la lis, hein? Oui. Bon. Oh, Jammes, ta maison ressemble à ton visage. Une barbe de lierre y grimpe, un pain long bras, éternellement jeune et dru comme ton cœur. Malgré les ans et les hivers et la douleur, le mur bas de ta cour est doré par la mousse, la maison n'a qu'un humble étage. L'herbe pousse entre le puits et le laurier. Quand j'entendis comme un oiseau mourant crier ta grille, un tiède et moi, me fit défaillir là. Je m'en venais vers toi depuis longtemps. Oh, Jammes. C'est ridicule. Mais non, ce n'est pas ridicule d'être ému. Et je t'ai trouvé tel que je t'avais rêvé. J'ai vu tes chiens joueurs languir sur le pavé. Et sous ton chapeau noir et blanc comme une pie, tes yeux francs me sourire avec mélancolie. Et voici la suite ici. Ta fenêtre pensive ouvre sur l'horizon. Voici tes pipes, la vitrine qui reflète la campagne parmi les livres des poètes. Amis, puisqu'ils sont nés, les livres vieilliront. Où nous avons pleuré, d'autres hommes riront, mais que nul de nous deux, malgré l'âge, n'oublie le jour fortement. Nos mains se sont unies, jour égal en douceur à l'arrière-saison. Nous écoutions chanter les mésanges des haies, les cloches bourdonnaient, les voitures passaient, c'était plus un triste et long dimanche des rameaux. Toi, brisé sur l'amour, comme un roseau sur l'eau qui tremble et sous le flot secrètement sanglote, moi, frémissant, avide à mourir du départ sur la mer où tournoient les barques sans pilote. Nous écoutions teinter les sonnailles des chats, pareillement émus de diverses pensées. Et le ciel gris pesait sur nos âmes blessées. Reviendrai-je dormir dans ta chambre d'enfant? Reviendrai-je, les cils caressés par le vent, attendre la première étoile sous le vent et respirer dans ton coffret en bois de rose, parmi la main jaunie des vieilles lettres closes, l'amour qui seul survit dans la cendre des choses. L'âme, quand on se penche à sa fenêtre, on voit des villas et des champs, l'horizon et les neiges. En mai, tu lis des vers d'or à demi-voix. L'azur du ciel remplit les chenaux de ton toit. Demeure harmonieuse, amie, vous reverrez. Demain, hélas, mieux vaut penser au temps d'hier. Une âme sans patrie habite dans ma chair. Ce soir, un des plus lourds des soirs où j'ai souffert, tandis que de leur gloire éparses sur la mer les rayons du soleil couchant dorait la grève, les cheveux lavés d'or et d'écume, j'allais rouler comme un caillou par la force du rêve. La terrible rumeur des vagues m'appelait, et le cœur plein de toi, je marquais la galette. Veiné comme un bras pur et blanc comme du lait, le jour où je passais ton seuil, fils de Virgile. Il faut reconnaître que ce poème que vous avez lu avec beaucoup d'émotion est lui-même très émouvant. Je ne peux pas lire les versions, c'est ridicule. Mais c'est un poème qui rend un son de vérité, de nostalgie, d'autant plus intense quand on pense que Charles Guérin est mort quelques années après. On sent déjà dans ce Quand vous reverrai-je, on sent toute cette inquiétude d'un être jeune qui se sent marqué. Oui, mais c'était bien lui, ça, il portait ça en lui. Et comme vous dites, c'est un grand hommage qu'il a rendu à Francis Jammes en lui dédiant ce poème. Et nous en arrivons maintenant à Francis Jammes lui-même, qui, dans l'anthologie, dans votre choix de poème, suit Charles Guérin. Vous parlez de la sensibilité si particulière de Francis Jammes, qui semble vous déconcerter, mais que vous appréciez tout de même beaucoup. Je voudrais savoir si vous l'avez connu, Francis Jammes. Non, je l'ai vu une fois au Mercure. Je ne lui ai jamais parlé. Je ne lui ai jamais parlé. Non. Mais vous semblez regretter, après son retour à la foi, ce que vous avez appelé le paganisme du fils de Virgile. Et vous regrettez, en somme, cet élan vers la religion qui semble avoir jugulé en lui d'autres élans plus naturels. Valette a fait cette remarque que pour Jammes, ce retour à la foi et cet affichage, ce retour à la foi, c'était la première fois que ça n'est pas réussi à un poète. Car précédemment, tous les gens qui avaient été plus ou moins libertins ou païens et qui revenaient à l'Église, ça leur redonnait un public. Ça a été le contraire pour Jammes. Ah, je ne sais pas si Jammes recherchait un public. Je ne vous parle pas de Jammes en ce moment-ci. Oui, vous parlez des poètes. Je vous parle du phénomène d'un poète qui a une grande notoriété, qui a un grand public, qui retourne à l'Église et que tombe. Oui, pour ces nouvelles œuvres, parce que les œuvres anciennes continuaient à se tirer au... Oui, mais nous parlons des nouvelles œuvres. Enfin, vous dites... Géorgie chrétienne, par exemple. Oui. Par terre, que vous dites. Vous dites l'inverse pour Verlaine. Remarquez que Sagesse non plus n'a pas attiré un public nouveau à Verlaine, même pas le public catholique qui trouvait que ce poème ne l'était pas assez. Oui, et puis d'un autre vous côté... Vous savez, moi, ça ne m'intéresse pas, Sagesse. Oui, cependant, vous dites dans votre notice que c'est un des plus beaux poèmes de Verlaine. À ce moment-là, c'était l'objectivité du critique mais qui moi, parlait. Non. Et ensuite, après Jammes, voici Jules Laforgue. Jules Laforgue est mort en 1887, vous ne l'avez donc jamais connu. Oui. Mais vous paraissez l'aimait beaucoup. Oh, énorme. Vous prononcez même le mot de génie en parlant de lui. Oh, non, ça. Mais la forme avait toujours séduit beaucoup. Et ses lettres surtout. Et qu'est-ce qui vous a surtout plu en la forgue? Une sorte de sensibilité qui se raille. Oui, c'est ce que vous appelez ce sourire clownesque, peut-être. Peut-être, oui. Et puis alors, vous savez, l'histoire, quand il habitait rue Monsieur le Prince, qu'il écrivait à sa sœur, qu'il était très beau. Et que, comme souvenir, il lui donne un morceau du papier qui tapisse sa chambre. J'ai trouvé ça merveilleux. Merveilleux! Merveilleux comme trait de comme, sensibilité, de sensibilité. Comme imagination en même temps. Parce que c'est bien une idée de poète et de poète pauvre qui ne peut donner que cela. Ouais. Et j'ai remarqué que dans votre première édition, vous n'avez pas mis la chanson du petit hypertrophique, qui est pourtant une des plus jolies. Ouais. Et ensuite, vous l'avez rajoutée à côté de la complainte du roi de Tulé. Et je pense que vous avez beaucoup aimé ces deux vers qui, pour vous, avaient peut-être un son, tout de même une résonance nostalgique. J'entends mon cœur qui bat, c'est maman qui m'appelle. Non, pas du tout. Non, vous ne voulez pas que cela vous ait donné... Écoutez, tout à l'heure, quand vous avez lu des poèmes, vous avez prouvé une certaine sensibilité qui me permet de vous poser cette question. Pas de rappel personnel. Non. Eh bien, passons maintenant à Pierre-Louis. Ah ouais. Pierre-Louis, que vous avez certainement beaucoup connu. Ouais. Qui fréquentait, je crois, les mardis de Rachild. Non, jamais. Alors, où l'aviez-vous vu? Ben, il est venu me voir chez moi, rue Bonaparte. Au moment où vous rédigiez votre notice? Oui, probablement. Mais vous étiez sensible à son art? C'est pourtant une poésie d'essence classique, antique. Mais quel est le premier poème qu'il y a? Astarté? Oui. Quel est le premier vers? Psyché, ma sœur, écoute. Ouais. Voilà. L'apogée. Oui. Et il est dédié à l'héroïne d'un roman futur. Oui, ça c'est très beau. Psyché, ma sœur, écoute immobile et frissonne. Le bonheur vient, nous touche et nous parle à genoux. Pressons nos mains, sois grave, écoute encore. Personne n'est plus heureux ce soir, n'est plus divin que nous. Ouais. Et ce poème vous plaît particulièrement. Ouais. Et en somme, ce que vous n'aimez pas en lui, c'est justement ce qui se rapproche de l'Hérédia. Ouais. Cette impassibilité descriptive avec des réminiscences antiques. Je tiens Hérédia pour un fabricant de verre en carton pâle, plus ou moins. Les premières œuvres de Metternich étaient remarquables. Et Serre chaude. Serre chaude et puis les petits drames. Les douze chansons également. Oui, intérieur. Avez-vous connu Metternich? Oui, je l'ai vu quand il est arrivé à Paris, là, habillé en velours à grosse côte, enfin, un vrai paysan de flamand, enfin, il faisait flamand, je crois. Oui. Oui. Et vous ne l'avez pas revu ensuite? Il était auteur du Mercure, mais vous ne le voyez pas souvent. Non, il est venu une fois. Et après Metternich, voici Stéphane Mallarmé. Mmh. Vous avez consacré à Mallarmé la plus longue notice de votre choix de poème. Et vous avez dit, en le mettant enfin, sous la plume de Gourmont, plus exactement, vous avez cité Gourmont, « Il est rare, disait Gourmont, que les livres aveuglément clairs vaillent la peine d'être relus. La littérature qui plaît aussitôt à l'universalité des hommes est nécessairement nulle. » Et je veux dire que cela m'a beaucoup étonné que vous ayez reproduit cette phrase en ayant l'air de lui accorder crédit, car l'un de vos principes les plus chers est certainement que les livres clairs valent seuls la peine d'être lus et relus. Et comment expliquez-vous que vous ayez approuvé cette opinion de Gourmont? Je vous ferai remarquer que plusieurs critiques ont signalé que la notice de Mallarmé, au fur et à mesure de l'augmentation, au fur et à mesure de la publication d'un tome nouveau, diminuait. Oui, j'ai remarqué que la notice était presque plus importante comme nombre de pages que les poèmes cités. Oui, oui, mais la notice, je vous dis, Elle, de volume en volume... rétrécissait. Mais non, l'admiration foutait le camp. Oui. Je me retenais pour ne pas... voilà. Pour ne pas? Ben, pour ne pas dire, écoutez, c'est du néant. Ah ben moi qui voulais vous demander justement, car vous avez appris des poèmes de Mallarmé par cœur, puisque ce que vous aimez, vous l'apprenez. Je ne les ai pas appris. Non. Vous l'avez appris involontairement. Oui. Alors je voulais vous demander d'en réciter un. Oui, je veux bien en réciter un. Alors je vous écoute si vous voulez bien. Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui, va-t-il nous déchirer avec un coup de livre ? Ce lac dur, oublié, que hante sous le givre, le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui très beau vert. Ainsi, vous admettez qu'il y a encore de très beaux vers. Oui, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est très beau. Un cygne d'autrefois se souvient que c'est lui, magnifique, mais qui, sans espoir, se délivre, pour n'avoir pas chanté la région où vit autre beau vert, quand du stérile hiver a resplendi en lui. C'est très beau comme vert. Ça ne vous émeut pas, comme le Charles Guérin. Et vous les dites très bien également. Ouais. C'est tout de même un hommage que vous rendez à Mallarmé que de vous souvenir de ces vers. Tout son col secoura cette blanche agonie par l'espace affligé à l'oiseau qu'il nie, mais non l'horreur du sol où son plumage est pris. Fantôme qu'à ce lieu son pur éclat signe, il s'immobilise au songe froid de mépris que vint parmi l'exil inutile le signe. Il faut donc admettre que les textes qui ne sont pas aveuglément clairs valent quelquefois la peine d'être dits et redits. Une dentelle s'abolit dans le doute que je suprême à l'entrevoir comme un blasphème qu'absence éternelle de lit. Cet unanime blanc conflit d'une guirlande avec la même, enfui contre la vitre blême, flotte plus qu'il n'ensevelit. Mais chez qui du rêve se dort, tristement dort, une mandore au creux néant musicien, tel que vers quelques fenêtres, selon nul ventre que le sien, filiale on aurait pu naître. Mais qu'est-ce qui vous plaît surtout dans ces vers, vous qui n'aimez pas le jeu verbal ? Ça ne me plaît pas, je sais ça par cœur, et puis voilà tout. Oui, voilà. C'est tout de même l'incantation. Alors, qui vous est restée. Il y a aussi ce fameux sonnet qui s'appelle « Le fait au prince hiéramant expiré dans la considérable touffe, le cri des gloires qui l'étouffe. » Oui, c'est-à-dire d'une façon très hermétique, quelque chose d'assez léger. Oui, il y a même un poème, je ne sais plus lequel, qui exprime naturellement, en vocable rare, la satisfaction d'être sur une lunette des ans. Vous n'avez jamais lu les articles de Charles Chassé sur Mallarmé ? Chassé a découvert que tout Mallarmé est fait avec le litré. Je ne connais pas le litré, moi je n'ai aucun dictionnaire. Mais il paraît que le litré donne, en remontant très loin, toutes les étymologies du moindre mot. Et Chassé a découvert que quand Mallarmé avait un mot, mon Dieu, somme toute, commode, armoire, si vous voulez, il remontait le litré, et alors il trouvait ce terme tout à fait tombé en désuétude et même ignoré, et alors il le sortait. Et Chassé a expliqué ça à beaucoup de gens de l'Académie Mallarmé, par exemple M. Henri Charpentier, poète, qui lui disait. C'est vrai, il ne faut pas le dire. Et pourquoi ne pourrait-on pas le dire ? Ah, parce que au fond, si le poète est lui-même un dictionnaire, s'il a accumulé les mots, s'il les retrouve en lui, ou s'il les retrouve ayant perdu la mémoire dans un livre, le résultat est le même. Ah, tout de même, enfin, n'est-ce pas, il y a un trucage. Mais est-ce que ce n'est pas truqué aussi que de retrouver les mots en soi après les avoir appris ? Alors moi, j'ai parlé de ça au Mercure. Et j'ai parlé des articles du Chassé qui sont profondément intéressants, n'est-ce pas ? Et alors, M. Arnold me dit, comment, pourquoi pas le dire ? Mais nous sommes prêts à publier, ils peuvent nous envoyer les articles. Il en a publié déjà 4-5, ça doit faire tout un ouvrage complet sur Mallarmé. Mais là, je crois que vous restreignez vraiment trop le talent et l'idéal de Mallarmé. Car en effet, il y a la recherche verbale en lui est très grande. Je rétrécis ce qui fait le poète. Non, mais le résultat, c'est l'incantation. Or, tout à l'heure, vous m'avez dit... Ce sont de beaux vers, il n'y a rien à dire, ce sont de beaux vers. Oui, bah alors dans Heredia aussi, il y a des vers qui sont... Eh bien oui, eh bien Heredia lui aussi a... Mais Heredia n'est pas un poète, tout ça ce sont des fabricants, je vous dis, c'est... Mais si la fabrication finalement plaît, c'est un résultat qui n'est pas négligeable. Oui, enfin, moi, c'est pas mon avis. Oui, ouais. Alors il vaut mieux changer de poète, mais nous allons arriver à un fabricant peut-être au moins bon sens du mot, à Camille Mauclerc. Ah ouais, ça c'est l'imitateur complet. Oui, je crois qu'il a imité successivement tous les poètes. Tout. Et tous les romanciers. Il n'y a pas un livre de Camille Maucler qui ne soit l'imitation d'un homme qui venait de publier un livre à sensation. Paul Adam, Maeterlinck, etc. Voilà. Du reste, j'ai écrit quelque chose un jour sur M. Camille Maucler. Je lui dis, il évoque absolument le personnage d'une pièce d'Ibsen qui s'appelle Peer Gynt. Quand comment s'appelle le fossoyeur qui vient le chercher. Il a un nom spécial, le fossoyeur. Et alors, il dit, on mettra sur sa tombe si j'ai eu personne. Voilà, c'est tout à fait pour monsieur. Heureusement, vous n'avez pas mis ça dans votre notice. Vous avez simplement dit que son esprit aimait toucher à tout, que successivement, il subissait toutes les influences, et vous avez presque eu l'air de dire que c'était une grande qualité que de savoir être accessible ainsi à toutes les beautés des choses. Et alors, j'avais mis qu'il était d'origine juive, il a protesté. Ben, si c'était faux. Oui, alors, je dis qu'il enfin, il montrait un petit peu la marque enfin, du talent juif. Vous dites, dans notre notice des éditions précédentes, nous avions donné à M. Camille Maucler une origine sémitique et dit qu'il montrait comme écrivain tout le génie de sa race. Il nous en a beaucoup voulu, il paraît que nous nous trompions, que M. Camille Maucler n'est pas du tout juif. Une erreur n'est pas une malveillance et celle-ci est facile à réparer. Et c'est alors que vous démontrez que s'il n'est mais pas juif, il a toutes les qualités... Non, mais à réparer. Et après ? Et après, c'est un membre de phrase et le mot génie à enlever, voilà tout. Ah, parce que vous aviez dit qu'il avait le génie juif. Ah. Alors en somme, en lui donnant raison, vous l'avez retiré non seulement la qualité de juif, mais le génie. Voilà. J'aimais bien qu'il y avait une réplique. C'était comme finalement ça. Une rosserie. Pierre Quillard, comme Camille Maucler, était un poète savant. Il fréquentait les muses helléniques et latines. Étiez-vous attiré par ce genre de poésie ? Non. C'était un professeur qui tâtait de toute la poésie. Ah, il n'a jamais été professeur. Ah si, il était professeur dans le Proche-Orient. Et c'est vous-même qui le dites. Oh, mais ça, quand je l'ai connu, c'était fini tout ça. Oui, mais il avait commencé par l'être. Il avait le sens pédagogique en lui, certainement. Vous, je sais qu'il rendait compte des poèmes au Mercure d'une façon enfantine. Voilà. Et, n'est-ce pas, ces comptes rendus de poète consistaient à dire il aime les soleils couchants, trois vers sur le soleil couchant. Il aime aussi les voitures qui roulent, trois vers sur les. C'était au dessous de tout. Et il a tenu la rubrique poétique pendant. Pas mal de temps, oui. Et qui l'a remplacé ensuite Duhamel. Et son livre le plus connu, je crois, s'appelle La lyre héroïque et ardente. Et dolente. Et dolente, oui. Ouais. Ce sont deux adjectifs qui, en eux-mêmes, expriment un genre de poésie que vous ne devez pas aimer. Et voici maintenant un poète dont je puis à coup sûr avancer que vous l'aimiez, c'est Henri de Régnier. Oui. D'ailleurs, vous dites dans votre notice, le premier et le plus célèbre de tous les poètes d'aujourd'hui, Henri de Régnier. Oui, c'est une phrase pour une notice. Oui, mais vous la sentiez tout de même. Oui. Mais je trouve qu'il y a quand même, il est bien oublié, mais je trouve qu'il y a de fort beaux poèmes d'Henri de Régnier. Voilà. Et qu'est-ce que vous appréciez spécialement dans sa poésie ? Était-ce le raffinement de la pensée ou au contraire non, la ligne mélodique ? Non, la sensibilité, la mélancolie. Il y a des pièces sur lui qui sont remarquables ce jour-là. Il y a aussi des pièces qu'on peut appeler des pièces conjugales. Et, mais est-ce que vous n'aimiez pas aussi en lui ce sens, pourrait-on dire, distingué de la nature et un peu antique ? C'était toujours très orné, certainement. Mais les poèmes de la fin étaient vraiment pleins d'humanité, enfin... Mais je crois c'était lui. Je crois qu'en Régnier, vous n'aimiez pas que le poète, il y avait aussi le romancier. Ah oui, il y a des romans, moi, je trouve qu'il y a des romans charmants. La double maîtresse est une merveille. Une merveille. Et les rencontres de M. de Bréau devaient aussi ben vous oui, plaire. Oui, l'escapade. Par toute cette évasion vers un passé que vous aimiez. Oui. Il avait le goût du 18e comme vous. Oui, les pastiches. Et les pastiches un peu non, mais dans le goût, style. L'esprit du 18e, oui, cet esprit oui, que... du libertinage. Oui. Vous êtes vous aussi, à votre manière, un libertin. Et il vous donnait, je crois, cette impression que vous aimez, que vous éprouvez trop rarement, d'un homme qui écrit pour son propre plaisir. Oui, certainement. Et puis désintéressé. Désintéressé ? Oui. Enfin, l'argent ne l'intéressait pas. Oui, ainsi je me rappelle un fait, je ne sais plus pour quel roman. Il devait le donner à la Revue des Deux Mondes. Où il était très bien, il était de l'Académie française, comme Doumic, n'est-ce pas ? Et on lui a demandé de faire des suppressions. Il y avait des passages qui paraissaient un petit peu osés par la Revue des Deux Mondes à Doumic. Eh bien, quoique exposé à toucher beaucoup moins, il a apporté son roman au Mercure. Voilà, c'est tout de même quelque chose. Et il n'était pas riche. Oui. Ce sont de ces espèces de dérobates désintéressés dont vous avez donné souvent la preuve vous-même. Et je trouve ça très bien. Du reste, c'était un homme simple, modeste, fort aimable, enfin. Moi, j'ai toujours joué avec lui et j'en étais, enfin, très honoré, les meilleurs rapports. C'est lui qui vous avait un peu introduit au Mercure de France. Oh, pas du tout. Donc il vous avait tout de même appuyé. Non, pas du tout. C'est lui qui a lu Le Petit Ami. Oui, c'est lui qui l'a lu et qui a conseillé à Valette de le publier. Voilà. C'est pour ça que je crois que le livre lui est dédié, oui. Oui. Oui, le livre lui est dédié, en effet. C'est ça. Eh ben, c'est une espèce de reconnaissance. C'est un remerciement. Non, puis ils n'ont pas le mot de reconnaissance. Je suis fermé à la reconnaissance. Bah oui, mais vous êtes ouvert au remerciement. Ah, tout de même. Le remerciement est une forme. Cet homme, moi, tout à fait inconnu, n'est-ce pas? Cet homme qui avait lu ce roman et qui avait donné un avis favorable, bah, tout de même, ça valait bien un remerciement. Alors, c'est de la courtoisie. C'est de la courtoisie. Mais ça ne correspond pas à un sentiment. Oh, je suis fermé à la reconnaissance. Enfin, vous dites que vous l'êtes. Non, je l'ai écrit, n'est-ce pas? J'ai reçu des amabilités et des obligeances de beaucoup de gens. Je dis toujours, s'ils l'ont fait, c'est que ça leur fait plaisir. Eh bien, ils sont payés. Bon, ce n'est pas la peine de leur dire merci dans ce cas-là. Ah oui. Enfin, vous dites qu'avec Henri de Régnier, on est loin des phraseurs et que cela fait du bien, que cela donne de l'air et que cela est gai. Oui. Vous n'avez pas changé à cet égard. Enfin, je vous dis que c'est une notice pour les poètes d'aujourd'hui. Oui. En tout cas, le poète suivant dont vous parlez ne devait certainement pas satisfaire votre besoin de gaieté et d'air. C'était Georges Rodin-Bach. Oui. Vous en avez parlé avec sympathie, mais enfin, j'ai l'impression que c'était plus de l'estime qu'un penchant. Oui. L'avez-vous rencontré? Oh, vous l'avez rencontré à la Comédie Française, quand on a joué le voile. Il était déjà mort au moment où vous écriviez cette notice, d'ailleurs. Ah. Il était mort en 1898. Je peux vous donner un détail sur Rodin-Bach. Il était trahi avec Schwab et Moreno. Et alors un jour... Ah oui, Moreno récitait souvent des vers de Rodin-Bach. Et dans l'affaire Dreyfus, il y a eu un jour une pétition, je ne sais plus dans quel sens, en fait, où pensait-il que Rodin-Bach a signé la pétition. Et j'ai entendu un dimanche, Moreno, rue Saint-Louis-Henri, chez Schwab, dire... Il peut se fouiller pour que j'y déverse de lui maintenant. Parce qu'il s'était révélé anti-Dreyfusard. Voilà. Et vous n'avez pas d'autres souvenirs de lui? Non. Il est mort très jeune, en 1898, comme je l'ai dit, et évidemment, vous avez eu peu l'occasion de le voir. Oui. Avec Laurent Taillade, le ton change. Voici un poète satirique. Et même dans le lyrisme. Et l'avez-vous connu, Laurent Taillade? Ah oui. Et je pense que vous éprouviez pour lui une certaine sympathie, sa vie mouvementée, aventureuse, ses duels, son accident. Je crois qu'il avait été blessé dans un attentat. Oui, au Foyau. Un attentat d'anarchiste. Oui, une bombe. C'était un pamphlétaire courageux. Et qu'est-ce que vous aimez spécialement en lui? Oh, et versatile, il était plus offrant. Et puis il partageait avec Blois. La grossièreté. Il avait un ami de jeunesse. Qui habitait rue Dauphine, qui avait eu de la fortune, qui l'avait beaucoup connu, Blois. Et il avait eu je ne sais combien de libéralité à l'égard de Blois, n'est-ce pas? Du reste, Blois lui avait donné des manuscrits, remerciements, des lettres, des autographes, enfin tout ça. Bon. Alors, tant que cet homme était célibataire, il allait à Bourg-la-Reine, chez Blois, où il était bien reçu, n'est-ce pas? Et ben, reçu... d'une façon intéressée, certainement. Mais cet homme, un jour, s'est marié. Il s'est marié civilement. Et il a reçu une lettre de Blois en disant « Cher ami, vous savez, il est inutile de m'amener votre putain à la maison. » Voilà, je n'aime pas ça. Vous savez, Blois m'a toujours fait l'effet d'un tartuffe. Moi, je ne peux pas souffrir cet homme. Je n'ai jamais pu souffrir cet homme. Il n'y a qu'un livre de lui que je trouve drôle, c'est l'exégèse de Dieu commun. Quand il parle de son propriétaire qui habite au-dessus et qui est en train de prendre un bain et qui dit cette charogne est encore en train de se tremper. Et puis alors, l'entrepreneur de démolition, où il y a un portrait de Catherine Madez qui est conçu ainsi, cet homme dont les jambes se dérobent sous lui comme honteuse de la charogne qu'elle porte. C'est textuel, ça. Voilà. Alors, naturellement, comme engueulade, comme peinture, oui, oui, mais enfin. Je voudrais savoir pourquoi, à l'inverse de ce qui s'est produit pour Mallarmé, dont la notice dans vos morceaux choisis s'est rétrécie, m'avez-vous dit, celle de Valérie s'est au contraire toujours amplifiée. Or, vous dites, Valérie était le disciple de Mallarmé. Je voudrais savoir ce qui a motivé ce traitement de faveur. Je ne rappelle pas ça. Oui, mais si, même si vous ne vous le rappelez pas, le fait est là, votre notice a été s'allongeant et celle de Mallarmé se rétrécissant. Mais celle de Mallarmé n'a pas été surtout se rétrécissant, elle a été de moins en moins favorable, de oui. moins en moins admirative. Et mais le rétrécissement correspondait également à moins de un jugement moins favorable. Je ne comprends pas. Enfin, bon. Alors je voudrais savoir en tout cas pourquoi Valérie, qui représente un genre de poésie que, en principe, vous aimez peu, oui. pourquoi vous en avez tant parlé et dans des termes, parfois, très élogieux. Non, mais ben, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas du tout la notice de Valérie. Je sais que j'ai eu l'occasion de très bonne heure d'avoir, enfin, mon jugement tout personnel, n'est-ce pas? Parce que quand je parle des gens, n'est-ce pas, l'opinion que je donne est toute personnelle. Je n'engage que moi, n'est-ce pas? Tandis que ces notices, vous engagiez quelqu'un d'autre que vous engagez une opinion publique. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, n'est-ce pas, qu'on ne tienne pas pour un jugement général ce que je peux dire des gens, n'est-ce pas? C'est mon appréciation à moi. Voilà, j'aime les choses ou je ne les aime pas. Moi, mon sens critique... Oui, mais alors, dans vos notices, c'était vous que vous exprimiez ou quelqu'un d'autre, le critique qui était indépendant de vous, en somme? Oui, enfin, n'est-ce pas, il y a dans un livre comme Les Poètes d'aujourd'hui, dans les notices des Poètes d'aujourd'hui, il y a une part personnelle et puis il y a tout de même une part conventionnelle, enfin, n'est-ce pas? On fait un livre pour le public, on ne peut pas tout à fait démolir les gens. Par exemple, ce que j'ai fait pour Renard, n'est-ce pas? C'était excessif, enfin, mais je voulais vous dire, n'est-ce pas? J'ai connu Valérie, nous avions chacun environ 23 ans. Bon. À cette époque-là, il y avait une revue, je vous l'ai déjà dit, qui s'appelait Le Centaure, oui. où écrivaient Gide, Valérie, André Lebet, Pierre-Louis, Jean Tinan, etc. Et alors, un jour, Valérie a publié un poème dans Le Centaure, qui est duré dans les poètes d'aujourd'hui, où c'est la description d'un vaisseau Louis XIVe, n'est-ce pas, qui était très orné, très historié, comme tous les navires de cette époque-là. Et publie donc ce poème, qui était un sonnet, qui se termine par ce tercet. Et les dieux, à la proue héroïque exaltée, dans leur sourire antique, et que l'écume insulte, tendent vers moi leurs bras, indulgence et sculptée. Bien. Alors je dis à Valérie, pourquoi diable avez-vous associé deux adjectifs, un du domaine moral et un du domaine physique? Il m'a répondu, parce que ça fait bien. C'était une boutade parce C'est comme ça qu'on écrivait à cette époque-là. Mais pourquoi voudriez-vous qu'on ne puisse pas joindre deux qualités, l'une physique et l'une morale? Non. Il n'y a pas des bras indulgents et sculptés. C'est comme les gens qui disent... Non, mais on comprend très bien ce que ça veut dire. Vous-même, vous le comprenez très bien, ce qu'il veut dire, les bras indulgents. Les bras qui font le geste de l'indulgence. Et sculptés, non. Ils sont sculptés dans la posture de l'indulgence. C'est une préciosité. Je ne trouve pas d'exemple. Il y a des auteurs gays qui ont fait des choses comme ça, des associations. Elle avait une robe rouge et relevée. Voilà. Relevé au sens moral ou... Mais non, relevé, n'est-ce pas? On peut dire elle avait une robe rouge et relevée. Non. Je ne vois pas pourquoi. Non. Eh bien, ce jour-là, n'est-ce pas, j'ai dit ça. Les gens qui disent, j'écris une chose parce que ça fait bien, bonsoir. Il vaut mieux écrire une chose parce qu'elle fait bien que parce qu'elle fait mal. Il faut écrire des choses qui aient un sens et qui aient, enfin... Mais je trouve que cela a un sens de dire tendre des bras indulgents et sculptés. Bon. D'ailleurs, je pense que si Valérie l'a écrit tout de même parce qu'il pensait que cela faisait bien, c'était aussi parce qu'il le sentait. Mais non! Parce qu'on croit que les gens de cette époque-là sentaient ce qu'ils écrivaient. Tout ça, c'est de la fabrication. Alors, je vais vous poser une question. Pourquoi avez-vous cité ce poème dans l'anthologie, puisque vous le considérez ensemble comme un mauvais exemple? Il y avait très peu de choses. Là, c'est l'édition de 1928, et il était de l'Académie à ce moment-là, il avait tout un grand choix de textes. Oui. Enfin, mais nous ne nous entendrons jamais là-dessus. Alors, un autre détail, sur Valérie. À un moment donné, Champion a fait une collection de reproduction de manuscrits. Bon. Valérie a fait une reproduction de manuscrits. Moi-même, champion m'a bien voulu me demander. C'était tiré à 100 exemplaires, c'était pour l'Amérique. On devait aller chez champion, donner une signature autographe sur chaque exemplaire. Bon, alors j'y suis allé. Alors, il y avait là une employée de champion qui tournait les feuilles, qui séchait au buvard, enfin, des choses parfaites, tout ça. Bon, j'ai signé, sans exemplaire, n'est-ce pas. Et j'arrivais à peu près au 20e, et je continuais, et cette demoiselle me dit, enfin, monsieur Léoto, vous faites ça avec beaucoup de patience. Je dis, mademoiselle, puisque c'est convenu. C'est convenu, n'est-ce pas, on le fait. C'est rien du tout, ça. Elle me dit, oui, mais M. Valéry, qui est venu il y a 4 jours, n'est-ce pas, il s'est arrêté au 10e, il a dit, mais enfin, dites donc, moi, ma signature vaut 50 francs. Mais là, je persiste à dire et à penser que c'est une boutade. Valéry était l'homme des boutades et... Vous avez une sorte de bienveillance dans l'esprit, vous savez. Quand j'essaie de compenser, je ne veux pas dire la malveillance que vous avez dans vos propos quelquefois, mais enfin, j'essaie mais non, de la mais contrebalancer. Je, c'est pas de malveillance, je regarde les faits, voilà un fait. C'est pas de la malveillance, j'y vois là comme il est. Oui, mais vous interprétez ce mais que non, vous dites. Mais non, c'est un très bien homme. Avouez tout de même que l'homme qui a reçu de l'argent pour une reproduction de manuscrit, dans laquelle il est convenu qu'un jour donné, il viendra les signer exemplaire par exemplaire, et qui ce jour-là, eh ben non. Non, mais tout dépend de l'intonation qu'il a c'est eu pour prononcer ce mot. C'est un homme qui, au fond de lui, dit tout de même, j'aurais pu gagner 100 fois 50 francs de plus. Oui, il aurait fallu être là et l'entendre pour savoir exactement ouais. Dans quel sens interpréter. Du reste, Valéry m'a dit, quand j'ai revu Valéry, oh, 20 ans plus tard, enfin... Je l'ai vu chez Gallimard, j'étais dans une antichambre où je rapportais mes épreuves pour les chroniques de théâtre. Et Valéry est arrivé. Et quand il est entré, je m'étais tourné comme ça pour qu'il ne me voie pas. Alors, il est entré. Monsieur Gallimard est-il là? Non. Bon, il est ressorti. Bon. Alors, il est revenu. Et monsieur Attal est-il là? Non. Bien. Bon. Alors, il est sorti. Il est entré une troisième fois. Et monsieur Attal est-il là? Alors, on lui a encore dit non. Et puis, alors, il est venu. Il a tourné. Il m'a dit... Mais c'est vous, Léo, qu'est-ce que vous faites là? Je comment? Vous publiez des volumes chez Gallimard? C'est pas comme ça qu'on doit s'y faire. Il faut donner le moins de textes possible. Il faut exiger le plus beau papier possible. Il faut laisser le moins d'argent à l'éditeur. Il faut autant que possible faire tout soi-même. Vous voyez bien que la ligne continuait. Oui. Hey mais je ne vois pas que ce soit une ligne condamnable. Mais non, je vous trouve extrêmement sévère pour Valéry. D'ailleurs, c'est surtout la poésie de Valéry, j'aimerais que vous jugiez. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne vous intéresse pas. Aucunement. Oui, vous avez dit que c'était une poésie de construction... purement cérébral. Oui, mais c'est de la fabrication. C'est de la fabrication. Non, non, non. Je le dis toujours, il n'y a pas pour moi, dans Valéry, un seul vers qui vaille le vers de Verlaine, l'espoir, lui, comme un bras de paille dans les tables. Ça. Oui, justement, poésie. Nous allons en arriver à Verlaine, car si vous refusez d'être charmé par Valéry, au sens fort du mot charme qu'il a employé, je crois que vous l'êtes pleinement charmé par Verlaine. Oui, maintenant vous savez qu'au fond, n'est-ce pas, il y a des vers que j'aime beaucoup, il y a des vers que je sais comme ça, mais vous savez qu'au fond, j'ai une horreur sans borne pour les poètes. Car il y a une idolâtrie, depuis de toute la poésie française, cette idolâtrie féminine, n'est-ce pas? Ça, tous ces gens qui ont été à genoux, c'est... Non, mais cela me semble curieux de vous entendre dire cela, car c'est tout de même sur un ouvrage que vous avez fait en collaboration avec Van Bever que cette idolâtrie de la poésie s'est accentuée au début du XXe siècle. Vous y avez contribué grandement. Oui, et mais maintenant, enfin... vous dites, la poésie, eh bien non, oui, je trouve ça enfin, ridicule. Écoutez, j'avais 30 ans que j'ai fait ça, n'est-ce pas? Non, l'édition de 1928... Vous n'aviez plus 30 ans lors de cette édition-là. Ouais. Et quand vous avez augmenté le nombre des poètes... Oui, enfin, supposons, n'est-ce pas? Supposons que cette antipathie que j'ai acquise pour les poètes, que je l'ai acquise, si vous voulez, à 45 ans. Là. Oui. Voilà. Je m'excuse alors de traiter un sujet qui vous est tellement antipathique, mais car non, nous ne l'avons pas épuisé. Ce sont les... N'est-ce pas? Cet agenouillement perpétuel, quand on prend la poésie française à ses origines, n'est-ce pas, jusque, enfin, aujourd'hui, il y a l'encens à la fin. Non, mais je crois qu'entre l'agenouillement et la... et le fait de donner le fouet, il y a une certaine marge. Ah, mais on pourrait faire des vers à la femme, n'est-ce pas, sans cet agenouillement, sans cette vénération, sans cette supplication, n'est-ce pas? Non. En somme, ce que vous reprochez à la poésie, c'est surtout d'être trop consacré à la femme. Oui. Et puis alors, à une certaine époque, à partir du romantique, d'être écrit au mépris de toutes les règles de la langue française. Au mépris de toutes les règles? Ce que vous appelez le mépris, alors c'est en somme l'emploi, par exemple, par Valérie, de mot indulgent et sculpté. Ah non, ça, non. Je parle de Vigny, je parle de Baudelaire, je parle d'Adagion, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la langue évoluait, les poètes... Non, la langue n'évolue pas. Les poètes romantiques pouvaient pas écrire des poèmes comme de Lille. Non. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire quand, par exemple, quand Vigny écrit, et s'appuyant du bras aux branches incertaines... Les branches ne sont pas incertaines, elles sont là. Là, nous trouvons le même cas que tout à l'heure pour Valérie, les bras indulgents. Mais non, c'est pas la même chose. Mais les branches incertaines, cela s'explique très bien. Mais pas du tout, c'est leur solidité qui est incertaine. Oui, mais enfin, c'est une ellipse qui peut... Non, on doit écrire en langage exact. Mais vous comprenez ce que ça veut dire, les branches incertaines. C'est ensuite, en disséquant, vous dites, on ne doit pas pouvoir comprendre. Mais vous le comprenez, au fond. Je me refuse à le comprendre. Je dis, c'est du mauvais français. Voilà. Mais ça, c'est une interprétation. Mais pas du tout. Les branches ne sont pas incertaines. C'est leur solidité, c'est leur résistance qui est incertaine pour s'appuyer dessus. Mais elles ne sont pas incertaines, elles sont là. Les branches, elles sont là immuables. Voilà, et elles y sont. Elles ne sont pas immuables si le vent les fait bouger, par exemple. Oh non. Enfin, écoutez, je crois qu'il vaut mieux ne pas continuer dans cette voie. D'ailleurs, nous sommes en plein romantisme. Or, nous avions abordé Verlaine. Ouais. Je voudrais que nous y revenions. Bon. Parce que je crois que c'est un des rares poètes devant qui vous consentez pas à vous... Ah, il y en a d'autres. ...agenouiller, mais retirer votre chapeau. Voilà. Même Ronsard avec ses histoires de femmes, n'est-ce pas? Quand vous serez bien vieille, c'est... Et puis alors, c'est une langue si pure. Oui. Comme vous le dites, pourtant, c'est un poème dédié à une femme. Oui, mais c'est une langue qui... Vous savez, la langue est parfaite. Et dans Verlaine, est-ce que vous retrouvez ces accents, justement, avec cette langue parfaite? Ah oui. Ainsi, je crois que je vous l'ai dit l'autre jour, enfin, on l'a qualifié de poète décadent, n'est-ce pas? C'était sérieusement qu'on disait poète décadent. La langue de Verlaine, non seulement parfaite, mais d'une exactitude parfaite. C'est merveilleux. Oui, d'ailleurs, malgré la fluidité, malgré enfin un petit peu les contournements, enfin des merveilleux. Vous en subissez le charme. Ah oui, et puis c'est très émouvant. Et puis c'est vraiment l'émanation, n'est-ce pas? C'est ça la poésie, la chose vague, la chose imprécise, enfin. J'aimerais que vous disiez un poème de lui, puisque les ayant aimés, je crois que vous vous en êtes souvenu. Oui. Et quel est celui que vous pouvez lire? Ah, mais j'en sais. Vous pouvez dire. J'en ai des bottes dans la tête. Bien, sortez-en un de votre tête si vous voulez bien. Lequel? Eh bien, je vais vous dire. Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est plaintive, elle est légère. Un frisson d'eau sur de la mousse. La voix vous fut connue et chère, mais à présent elle est voilée comme une veuve désolée, et pourtant comme encore elle éclaire. Et dans les longs plis de son voile qui palpite aux brises d'automne, cache et montre au cœur qui s'étonne la vérité comme une étoile. Elle dit l'avoir reconnue que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie, rien ne reste, la mort venue. Elle parle aussi de la gloire d'être simple, sans plus attendre, et de noces d'or, et du tendre bonheur d'une paix sans victoire. Accueillez la voix qui persiste dans son naïf épithalame. Allez, rien n'est meilleur à l'âme que de faire une âme moins triste. Elle est en peine et de passage, la voix qui pleure sans colère. et comme sa morale est claire, écoutez la chanson bien sage. Vous les avez dit d'une façon extrêmement sensible et même sensitive. Je vous en demande pardon de le dire, non, parce que... Non. Et ça, c'est l'extase langoureuse, c'est la fatigue amoureuse, c'est tous les frissons des bois parmi les trains des brises, c'est vers les ramures grises, le cœur, la petite voix. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Il n'y a rien là-dedans et... Il y a tout. Voilà. Vous vous sentez donc absolument envoûté, en somme, par Verlaine, et vous admettez... Oui. Que cette poésie-là est valable, même si les autres ne le sont plus. Donc vous devez apporter des palliatifs à votre jugement actuel de la poésie. Vous admettez qu'il y a encore des poètes qui restent. N'est-ce pas, monsieur Léoto? Ouais. Je voudrais savoir si parmi tous les ouvrages que l'on a écrits sur Verlaine, et Dieu sait s'il y en a, il n'en existe pas un qui vous paraisse meilleur que les autres et sur lequel vous ayez des opinions à faire valoir. Eh bien, il y a le livre de François Porchet, qui est remarquable. Ce livre qui s'appelle Verlaine tel qu'il fut. Je crois que c'est le titre, oui. Mais remarquable. Et moi, enfin, pour ma part, il a ajouté, enfin... Votre connaissance de... Et même à l'intérêt de certains poèmes de Verlaine. Vous l'avez mieux compris. Oui, ça a ajouté quelque chose. Il a parlé des circonstances dans lesquelles avaient été écrits certains poèmes. Et je crois bien que je ne me trompe pas quand il dit que le poème « Écoutez la chanson bien douce », n'est-ce pas, a été écrit au lendemain ou sur lendemain d'une scène effroyable. Un soir, chez lui, de Verlaine, à sa femme et à l'enfant qui était sur le lit, qui, enfin, il voulait les massacrer, il était ivre mort, n'est-ce pas, voilà. Mais... On ne connaît pas Verlaine si on n'a pas lu le livre de François Porchet. Du reste, il était fait, n'est-ce pas, avec une grande équité de jugement, n'est-ce pas? Oui, il avait mis en épigraphe un texte de Jules Tellier, dans lequel Jules Tellier parlait de Circé, qui avait changé en pourceau les compagnons d'Ulysse. Oui. Et Jules Tellier disait que ces pourceaux avaient une âme merveilleuse où se reconnaissait la main de Dieu. Oui. Et ainsi, François Porchet trouvait que Verlaine... avait été, en somme, cette bête habitée par un ange. Oui, en effet, certainement. C'est aussi votre opinion. Oui, moi, je la trouve bien littéraire. Enfin, c'est prodigieux. C'est prodigieux, cette espèce d'homme malpropre, ivre, brut. Je vous dis, Valette, qui l'a beaucoup fréquenté, disait, quand on était au café avec lui, on ne savait jamais s'il n'allait pas sortir un couteau de sa poche et vous le planter dans la poitrine. Oui. Enfin, c'était un homme dont il valait mieux lire la poésie que vivre avec lui. François Porchet a très bien marqué ça, n'est-ce pas, que c'est très joli d'être la femme d'un très grand poète, n'est-ce pas, mais d'une brute, d'un ivrogne et d'un homme qui pouvait vous flanquer un couteau, c'était tout de même aussi à considérer. Et c'était très bien ça, parce que, n'est-ce pas, je vous dis, des gens sont partis à dire, mais enfin, quand on est l'épouse d'un homme comme ça, n'est-ce pas, ben non, c'est pas une raison pour le supporter. Et il semble que ces hommes mettent le meilleur d'eux-mêmes dans ce qu'ils écrivent. Oui. Oh, vous savez, il y a souvent une très grande différence entre, surtout pour les poètes, entre le poète et puis l'homme privé. Vous savez, je voulais prendre chez moi une appréciation de Sainte-Beuve que Duhamel a mise à Alfred de Vigny dans l'anthologie qu'il a publiée à Leipzig il y a longtemps, n'est-ce pas? Les mots de Sainte-Beuve, c'est encore esprit pur, ange complet, n'est-ce pas? Ça, Vigny, vous comprenez? L'esprit pur, non, allons. Vous en voulez beaucoup à Vigny aujourd'hui? Oh, je ne peux pas le voir. Mais je m'en rends compte. Je ne peux pas le voir. Alors nous n'allons pas le voir, Vigny, nous ne parlerons pas des romantiques. C'est long cheveux, n'est-ce pas? Et puis cette attitude, n'est-ce pas? Bouh, j'aime pas ça. Albert Samain, avec sa poésie élégiaque, son évanescence sentimentale, ne devait guère vous attirer sur le plan littéraire. Non. Mais je pense que l'homme si désintéressé, si simple, si peu vaniteux, vous était très sympathique. Oui. Vous savez que quand Jardin de la Fontaine a paru, ça a été un succès considérable. Il y a eu un article de copie, enfin, n'est-ce pas? Ça a été inouï. Oui. Inouï. Et je voudrais savoir justement ce que vous pensez de ce succès de tirage qui a été l'un des plus étonnants dans toute l'histoire de la poésie française et qui n'a eu d'égal ensuite que Toi et moi de Géraldi et Paroles de Jacques Prévert. Faut croire vous paraît-il usurpé ou... Non, ça allait. Ça allait à un certain public. Ça allait comme les intimités ont été de Copé ont été autrefois, n'est-ce pas? Un petit public de calicot, de modiste et de jeune fille sentimentale. Je vous ai dit le mot de Valette bien longtemps après, bien longtemps, n'est-ce pas? Un jour, on parlait de sa main, et sa main, c'est un ami de jeunesse à lui. Et il l'avait encouragé à écrire d'autres vers pour profiter du succès du Jardin de la France. Il m'a dit, vous savez, je suis arrivé à penser... qu'il y ait quelque chose de vraiment médiocre dans la poésie de sa main pour qu'elle ait eu autant de succès. Le dernier poète qui figure dans votre choix est Viollet Griffin. Ah. Je pense que vous appréciez en lui sa fraîcheur, sa légèreté. C'est le poète unique, le vrai poète du vers libre. Oui. Le vers libre cher Igny n'est que des alexandrins morcelés. Chaque fois que je peux conseiller quelqu'un de lire Viollet Griffin, vous savez, je le fais. Je trouve que c'est un poète étonnant. Aïe, vraiment. Qu'appréciez-vous surtout en lui? La personnalité. Cette vivacité, c'est le vrai poète du vers libre. Pour vous, Gustave Kahn n'est pas un poète du vers libre. C'est un poète trop travaillé. Oui, oui. Barbare, n'est-ce pas? Barbare. Et même pour vous, Henri de Régnier est un poète qui a fabriqué son vers libre. Ah oui, quand on lit un poème en vers libre, il y en a de très beaux. De Régnier, on voit bien que... C'est ce qui fait du reste que ça a un tel rythme. Oui, le vers libre de Régnier se rapproche du vers libre de La Fontaine. Que vous voulez. Viollet Griffin était le 34e des poètes de vos morceaux choisis en 1900. Et ces morceaux choisis en 1928, dans la dernière édition ont compté 73 poètes finalement. Dans le lot important des nouveaux venus, je relève quelques noms célèbres. Apollinaire, Jean Cocteau, Adnan Noailles et Saint-Paul Roux. Tout d'abord, Apollinaire. J'aimerais savoir ce qui vous attirait en lui. Il y avait quelque chose d'extrêmement, nouveau dans Apollinaire. On peut même pas appeler ça le côté métèque, si vous voulez. Le côté étranger qui était étrange. Ouais, des choses du bohémien, de l'errant, du brocanteur même. Ça existe chez... Oui, c'était tout cela qui contribuait au mystère de son, de son art. Ouais. Un soir de demi-brume à Londres, un voyou qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre, le regard qu'il me jeta me fit baisser les yeux de honte. Cette chanson du mal-aimé qui devait être bientôt un titre faux, puisque on peut dire qu'Apollinaire fut le bien-aimé et que ses chansons furent appréciées de toute une génération. Ah oui, mais il le prenait mal-aimé au point de vue femme. Oui, au point de vue sentimental, où j'élargis son sens. C'est très beau, la chanson du mal-aimé. Et la première version. Oui, il l'a retouchée ensuite. Il l'a fourré dedans, là, ensuite, les Cosaques Zaporog qui n'y figuraient pas. Je tiens Apollinaire pour le dernier poète sensible. Maintenant, il y a une chose qui m'a toujours... Il paraît qu'il composait ses vers en faisant ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Je n'en reviens pas. Qui vous a dit cela? Hein? Qui vous a dit cela? Sa femme. Bah, cela ne pose pas la composition d'un poème tout de même, n'est-ce pas? Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Cela vous laisse songeur? Oh! Je n'en reviens pas. Mais non, cela fait partie du mécanisme. Ah, tout de même, enfin. Et le mécanisme n'a rien à voir, finalement, avec la source de l'inspiration. Et chez lui, ça ne détruit pas l'inspiration. C'est l'enchanteur. Bien, quittons cet enchanteur pour passer à une enchanteresse. Quoique vous allez peut-être lui dénier le droit à porter ce nom. Il s'agit d'Adnan Noailles. Ah, je ne gardais de souvenir d'Adnan Noailles que celui-ci. Un jour, elle était chez Schwab, étendue sur un canapé, et... Elle s'est mise à dire, ah, que je voudrais me trouver dans une forêt vierge. C'est tout ce que je connais de la... Ce n'est pas vous qui avez rédigé la notice. Non, c'est rien. Qui est très admirative. Ah, c'est pas moi, alors. Non. Venons-en maintenant à Saint-Paul Roux. Saint-Paul Roux était édité au Mercure de France. Je pense que vous l'y avez rencontré. Oui. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez de cet étonnant créateur d'images. Oh, étonnant. Et pourtant, les images ne vous plaisent pas. Oui, mais enfin, il y a des trouvailles. Vous admettez que c'est un jeu un peu inutile, puisque vous aimez appeler les choses par leur nom, au fond. Ah oui, mais enfin, ça, nous avons là affaire à des artistes, n'est-ce pas? Voilà. Moi, je ne suis pas un artiste pour des sous. Mais là, vraiment, les choses... Vous n'avez pas la mémoire, une... Le coq, oui. Vivant petit clocher de plumes. Avouez que tout de même, n'est-ce pas? Oui, c'est très joli. Et le grand air pur, savez-vous comment il le traduit? Non. Le grand air pur, c'est le cognac du père Adam. Oui. C'est assez amusant. Oui, oui. Et un papillon, il appelle cela un lendemain de chenille en tenue de bal. Ouais, bah regardez, n'est-ce pas? Oui, il y a là aussi un charme qui prend. Oui, oui, oui. Vous ne... Enfin, n'est-ce pas? On peut se mettre à penser que pour trouver des choses comme ça, il faut avoir un petit quelque chose de particulier dans la forme de son esprit. Ah, évidemment. N'est-ce pas? Il faut avoir une forme d'originalité, des yeux qui voient ce que les autres n'ont pas vu. Maintenant, peut-être qu'il suffit, quand on en a trouvé deux, de se dire, oh, mais voilà une peine, là, je vais continuer. Oui, encore faut-il avoir la possibilité de posséder ce filon en soi. Oh, ça, on peut le cultiver. Alors, je crois que c'est un don qu'il avait, plus qu'une acquisition. Abordons, avant de fermer vos morceaux choisis, le fantaisiste Jean Cocteau, qui est le benjamin des poètes accueillis dans votre recueil. Je veux savoir s'il l'a été accueilli par vous ou par Van Bever. Moi. Je vous dirais que nous avons connu Jean Cocteau au Mercure pendant la guerre de 14-18. Il était interprète, je ne sais pas, dans le Nord. Là. Dans les Flandres. Les propos de Cocteau, quand il est au Mercure, étaient une merveille de drôlerie, d'esprit étonnant. Je crois qu'il est resté comme ça. Oh, certainement, il a conservé cette jeunesse. Oui. Mais c'est... Cette originalité extraordinaire dans ses propos, et même dans ses vocables, étonnant. Et vous dites de lui que vous le trouvez surprenant. Oui, pour moi. Cette originalité, cette forme d'originalité vous paraît étonnante. Oh, oui, il y a du clown. Il avait une façon de présenter les choses quand il peignait certains officiers. Mais vous savez, on n'a pas idée de pouvoir faire un portrait avec... Des mots comme ceux qu'il employait. Oui, c'est à la fois un grand fantaisiste et un virtuose. Ouais, ouais. Alors, oui. N'est-ce pas, moi, je suis de cet avis que Cocteau, n'est-ce pas, tiendra une grande place dans l'art d'aujourd'hui. Il la tient déjà. Ah oui, mais enfin... Il s'y confirmera. Oui, et puis son nom restera. Ah, j'en suis persuadé. Voilà. Eh bien, moi, je trouve beaucoup de gens qui le traitent, vous savez. Moi, ça n'est pas mon avis. Je le trouve très original, je le trouve très fertile. Il travaille sans arrêt, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et, mon Dieu, c'est l'année dernière que je crois que j'ai déjeuné. J'ai même goûté avec lui deux fois, n'est-ce pas? Mais il est toujours resté le même. Toujours, cette... Il a 58 ans, maintenant. Ah, ouais. 20 ans de moins que vous. Ah, ouais. Il a dû trouver que vous étiez resté toujours aussi jeune. Il ne vous l'a pas dit? Non. Moi, il m'est très sympa. Il m'a toujours été très sympathique. Surtout que, vous savez, il n'a vraiment aucune vanité. C'est la simplicité, la camaraderie. On a toujours l'air de se quitter la veille. Je trouve ça charmant. Je voudrais savoir pourquoi, si vous avez choisi Jean Cocteau, vous n'avez pas pris avec lui Max Jacob, qui était son grand ami. Oh, qui participe à peu près à la même école. Oui, je ne connaissais rien de Max Jacob. Vous n'aviez rien lu de Max Jacob? Oui. Je n'ai vu qu'une fois... Max Jacob, à Montmartre, à l'enterrement d'un ami commun qui s'appelait André Dupont, et où il est mis à l'enterrement, il avait un chapeau de forme en toile cirée et une espèce de pèlerin en toile cirée, et on aurait dit un vrai cocher de fiacre. Avant la guerre 14-18, évidemment. Mais à côté de son absence, si l'on peut être, je veux dire, à côté d'une absence, enfin, il y en a d'autres, les absences, et je voudrais vous demander de les justifier. Ces absences, ce sont celles de Jean Richepin, de Charles Maurras, de Saint-Georges de Bouëlier, et surtout de Paul-Jean Toulet, de Paul Claudel et d'Alfred Jarry. Je voudrais savoir si cela correspond à un oubli ou à une volonté préconçue d'écarter ces écrivains. Paul Claudel n'avait rien à faire dans un choix de poète. Pour quelle raison ? Non, je voudrais que vous développiez cette idée que Paul Claudel n'est pas un poète. À cette époque-là, Claudel ne passait pas pour un poète. Il ne passait pas pour un poète, mais il était un poète. De quelle façon ? Mais il avait écrit d'abord des poèmes tout à fait mallarméens, de vrais poèmes qui avaient paru dans des petites revues symbolistes. Ah. Et ensuite, il avait déjà publié tout de même Tête d'or, La ville. Oh, c'est pas de la poésie, ça. Qui sont tout de même une forme de drame poétique. Bon. Beaucoup de critiques disent « Ce n'est pas un auteur dramatique, Claudel, c'est un poète. Ouais. » Vous, vous dites « Paul Claudel, ce n'est pas un poète, c'est un dramaturge. » Oui. Mais s'il n'est ni poète ni dramaturge, alors qu'est-ce qu'il est ? Non, pour moi, c'est un dramaturge. Mais c'est un dramaturge qui a œuvré avec des versets. Le mot verset lui-même, prolongement du mot vers, exprime la poésie. C'est du théâtre. En somme, vous n'avez pas été pris par Claudel. Non. Vous avez également écarté de votre choix de poète Charles Péguy. Pouvez-vous justifier cet ostracisme ? Car je ne peux pas croire qu'il s'agit d'un oubli. Ben, écoutez, n'est-ce pas ? Moi, je n'ai jamais considéré Péguy comme un poète. Bon, pourquoi ? Non, que je voulais, non, c'est comme ça, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais considéré... Vous dites que son genre de poésie ne vous convient pas, mais ne dites pas que ce n'est pas un poète. Oui, ben peut-être que je ne le connaissais pas. Il se peut très bien que... Du reste, je n'ai jamais lu. Je crois que vous confondez le poète avec le pamphlétaire, peut-être. Ouais, enfin, avec l'homme social. Je dois vous dire que je n'ai jamais lu une ligne de Péguy. Je l'ignore complètement. Mais ça me paraît étonnant d'avoir rédigé des commentaires sur les poètes et de n'avoir jamais eu la curiosité de lire Péguy avant de consacrer un livre au poète. Je vous dis, il n'existe pas, je l'ignorais. Je vous dis, n'est-ce pas, j'ai toujours eu un manque de curiosité pour les choses vers lesquelles je ne me sentais pas naturellement attiré. Donc vous saviez... Et puis j'ai aussi à vous dire que je n'étais pas le seul auteur des poètes d'aujourd'hui. Oui, Van Bever avait lui aussi une espèce de prévention contre Péguy. En tout cas, je peux vous raconter ceci, c'est qu'un jour, déjeunant avec Valérie, chez le docteur Le Savoureux, n'est-ce pas, je ne sais plus comment ça se fait, la conversation est mise sur Péguy. Et Valérie fait « Ah, comme ça, avec un jet de répulsion. Et l'homme qui venait de parler de Péguy s'est mis à en réciter. Oui. Et Valérie a dit « Oh, si vous en faites du théâtre, alors... » Oui, je crois que votre style qui est incisif, précis, méticuleux, direct, ne peut pas s'accorder avec le sien. Cette progression massive et insistante de la pensée de Péguy, cet enroulement de la pensée qui se déroule, doit vous déplaire profondément. Je n'aime pas ça. Et je pensais que c'était cette raison qui vous avait fait l'écarté de votre choix. Cette répétition, n'est-ce pas ? Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Vous savez ce que j'ai mis dans passe-temps ? Le savetier de Péguy. Mais enfin, ceci n'est pas une critique littéraire. Oui, enfin, c'est mon impression. Une des lacunes qui m'a gêné le plus en lisant votre anthologie, c'est cette lacune qui est représentée par l'absence de Toulet. La poésie de Toulet ne m'a jamais intéressé. Mais que lui reprochez-vous ? Simplement de ne pas vous plaire. C'est de la clownerie. Ah, je ne suis pas du tout de votre avis. Voilà. Je crois que des poèmes comme « Dans Arles, où sont les Aliscans » sont des poèmes dont on peut dire qu'ils sont définitifs. Au même titre que les poèmes que vous avez lus l'autre jour, les poèmes de Verlaine. Et je suis très étonné de vraiment que vous ne l'ayez pas ajouté en 1928. Eh bien, quand je lis du Toulet, je le vois cité quelquefois, j'ai gardé la même impression. C'est de l'acrobatie. Et Alfred Jarry, dont vous n'avez pas parlé. Ah, c'était pas un poète pour moi. Ah, c'est pourtant un poète. Ouais. Il n'a pas écrit que des drames, si l'on peut appeler drame Burois, mais il a écrit également Les Minutes de Sable Mémorial. Vous savez, il faut me laisser tranquille avec ça. Non, ça ne marche, je ne marche pas pour tout ça. Vous ne pressentiez pas en lui le rôle qu'il devait jouer dans la littérature contemporaine. Bon, et du reste, vous savez, je me refuse à y souscrire. Oui, les surréalistes l'ont reconnu pour un de leurs précurseurs. Non, je ne marche pas. Et justement, j'en arrive au surréalisme. Je crois que le surréalisme ne vous a jamais intéressé. Non, ce n'est que mon avis personnel. Mais il est carré. Oui. Voilà. Enfin, vous n'avez pas voulu évoluer en poésie. Non. Et vous trouvez que le surréalisme est une mystification ? Enfin, écoutez, ça ne... Ça ne vous touche pas. Ça ne me touche pas. Ça... Et puis, n'est-ce pas, qu'est-ce que vous voulez, je l'ai toujours dit, j'ai des partis pris auxquels je tiens. Ça ne me touche pas, ça ne m'intéresse pas. Et je ne suis pas du tout l'homme de ça. Et puis, qu'est-ce que vous voulez, n'est-ce pas, je ne suis plus un jeune homme. Non, mais on peut ne plus être un jeune homme et apprécier l'évolution de la poésie. André Gide apprécie cette évolution, par exemple. Oui, je voudrais bien savoir la sincérité d'André Gide. Non, il n'est pas question de la sincérité d'André Gide, il est question de l'évolution de la poésie. Quand j'ai déjeuné avec lui chez Madame Boulle, Gide m'a dit, et il demande tout le monde, je ne sais pas si je deviens un bec, mais je suis obligé de dire que je ne comprends pas un mot à tout ce qui s'écrit aujourd'hui. Oh, il y a là véritablement un mot drôle, je crois, car il comprend très bien ce qu'on écrit. C'est une réaction contre une certaine... Mais non, écoutez, je perçois très bien qu'au fond, Gide, dans le secret lui-même, se dit. Je crois que ça l'intéresse peut-être moins. Nous n'y sommes plus. C'est tout de même lui qui a écrit ce texte qui s'appelle « Découvrons Henri Michaud ». Je suis certain, enfin certain, n'est-ce pas, je suis certain que Gide n'en passait pas un mot. Moi, j'en suis moins certain que vous. Quand je vous ai déjà raconté qu'un jour je me trouvais, il y a très longtemps, je ne sais plus, je me trouvais dans le bureau de Paulhan. Et alors on parlait d'Henri Michaud, j'avais déjà publié des choses où il y avait des maisons, des fenêtres à l'envers, je ne sais plus quoi, on fait une chose à canne à branche. Et moi, je pouffais, n'est-ce pas? Et Paulhan me dit, mais vous savez, Léoto, que Gide admire beaucoup Michaud. Tiens. Justement, Gide arrive. Il s'assied, et je lui dis, mais dites donc, nous parlions de Michaud, il paraît que vous l'admirez beaucoup. Il me dit, mais je sais pourquoi n'écrivez-vous pas comme lui. On peut admirer quelqu'un sans écrire comme lui. Vous savez, non. Vous avez admiré Villiers Griffin tout à l'heure, et vous n'écrivez pas comme Villiers Griffin. Vous avez admiré les images de Saint-Paul Roux. Mais c'est un poète, Michaud. Je suis, n'est-ce pas, je ne peux pas dire... Je l'ai constaté aujourd'hui, je le sens, je le pressens, j'en suis certain. Gide est un peu comme était Duhamel quand il était électeur des manuscrits, directeur de Mercure, le passeur d'ennemis. Et Gide a besoin de se faire des ennemis. Gide aime beaucoup. Il a besoin de se faire des ennemis car le plus souvent, il s'est fait. Par son activité, par son action, par ses écrits. Oui, mais ça, c'est autre chose. Gide est prêt à admirer le premier venu possible. Je ne crois pas. Si. Je crois l'inverse. Voilà. Je crois qu'il n'a pas l'admiration très facile. Enfin, revenons à la poésie pour constater que maintenant, si vous dites beaucoup de mal de la poésie, car dans votre journal, vous en dites beaucoup de mal, vous en avez tout de même pensé beaucoup de bien. Mais... Et que vous le vouliez ou non, eh bien, vous êtes l'un des champions les plus écoutés encore maintenant de la poésie en France. Mais non ! Car on ne peut pas faire l'histoire de la poésie en France sans tenir compte de votre anthologie. Oui, mais on moi... On ne peut pas faire une étude sérieuse qui n'ait pour base ce que vous avez écrit sur les poètes. Oui, moi... Sur les poètes que maintenant vous vouez aux gémonies. Oui, et que moi, vous portiez moi, au nu. Moi, je suis loin de tout ça. C'était « Entretien avec Paul Léoto », propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Ces entretiens Paul Léoto, Robert Mallet, dans une réalisation de Georges Godbert, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne nationale les 4, 8, 11 et 15 janvier 1951. Ils sont édités au Mercure de France. Demain, à la même heure, dans les Nuits de France Culture, la suite savoureuse.